Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Jean 1, 22 à 24. 22. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Les délégués lancèrent leurs questions telles des flèches. Ces questions concernaient les hérésies qu'ils s'attendaient à voir émerger avant la véritable venue du Messie. Mais comme Jean nia être le Messie ou Élie, ou le prophète annoncé par Moïse, il perdit de son importance à leurs yeux et ne représenta plus un danger. Ils insistèrent malgré tout, désirant savoir de qui il tenait son message. Ils ne voulaient pas retourner au Sanhédrin sans avoir évalué toute la situation. Les questions n'avaient rien à voir avec la prophétie d'Ésaïe 40, 3. Mais l'Esprit inspira ce texte aux Baptistes. Il se décrivit comme une voix criant dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. S'il ne leur avait pas fourni des indications tirées des Écritures, il l'aurait accusé de se donner le pouvoir et d'inventer sa révélation. Il l'aurait alors condamné pour blasphème. Jean s'humilia donc et adopta la position la plus basse de l'Ancien Testament, à savoir qu'il n'était qu'une voix criant dans le désert. Nous vivons tous dans le désert de notre monde. Autour de nous, c'est le tumulte et le chaos. Mais Dieu ne nous abandonne pas et nous offre son aide. Il vient pour sauver les hommes corrompus. Ce passage des cieux à la terre est une grande grâce. Le Saint ne nous détruit pas comme nous le méritons, mais nous cherche et cherche les perdus. Son amour dépasse ce que nous pouvons imaginer. Son salut suprême inclut la transformation du désert en vert jardin. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Baptiste comprit que Dieu était venu dans notre monde en Christ. C'est ainsi qu'il commença à appeler les gens à réagir et à se préparer à accueillir celui qui allait venir. Son zèle pour préparer le chemin de Christ fit de lui une voix dans le désert de notre monde. Il ne se présenta pas comme un prophète ou messager, mais comme une simple voix. Mais cette voix, remplie de l'autorité de Dieu, ne laissa pas les consciences confortablement endormies dans leur péché. Que disait cette voix? L'essentiel de son message était « Réagissez !» Sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mettez votre vie en ordre. Dieu est saint et il vous jugera. Dieu vous appellera à rendre compte de tout mensonge, vol, vice ou faute, et vous punira du feu de l'enfer. Dieu n'ignore pas vos péchés. Une personne mauvaise apparaîtra mauvaise devant lui. Et la personne soi-disant bonne ne sera pas meilleure que la mauvaise, car personne n'est irréprochable devant lui. Cette exigence du Baptiste nous amène à nous examiner nous-mêmes, à reconnaître notre corruption, à briser notre orgueil et à changer d'esprit. Frères, vous considérez-vous bon et accepté? Soyez honnête et confessez votre culpabilité. Si vous avez volé quelqu'un, même une toute petite chose, alors rendez-la à son propriétaire immédiatement. Faites mourir votre orgueil et vivez pour Dieu. Mettez en ordre ce qui n'est pas juste dans votre conduite. Humiliez-vous, car vous avez mal fait. Plusieurs des délégués officiels étaient des pharisiens. L'audace du Baptiste les mit en colère, car ils déclaraient être justes, pieux et bons, observant la loi scrupuleusement et avec passion. Mais ils se trompaient eux-mêmes. Ils prétendaient en fait être pieux, alors qu'en réalité ils étaient corrompus à l'intérieur, ayant un cœur animé de pensées vengeresses comme une race de vipères. Leurs expressions sévères n'impressionnèrent point Jean, qui les réprimanda et leur rappela que nous avons tous un besoin urgent de retourner à Dieu, de préparer le chemin pour que le Seigneur puisse venir à nous bientôt. Prière. Seigneur, tu connais mon cœur, mon passé et mes péchés. J'ai honte de mes fautes, connues ou cachées. Je te confesse toutes mes méchancetés et te demande pardon. Que je ne m'éloigne pas de ta présence. Aide-moi à rendre ce que j'ai volé aux autres et à demander pardon aux personnes que j'ai blessées. Brise mon orgueil, purifie-moi de tous mes péchés par ta miséricorde. Ô Seigneur, toi qui as compassion de ceux qui ont compassion. Question 16. Comment le Baptiste a-t-il appelé les gens à préparer le chemin du Seigneur? Jean 1, 25 à 28. 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Les Juifs avaient appris la purification, les ablutions et une sorte de baptême dans la Torah. Les ablutions étaient une purification de la souillure morale, tandis que le vrai baptême était précisément pour la purification des non-Juifs, parce qu'ils considéraient les nations comme impures. De toute façon, accepter le baptême était un signe d'humilité et de l'entrée dans la famille de Dieu. Cela explique la perplexité des délégués de Jérusalem. Pourquoi appelles-tu les croyants à se repentir, ceux qui sont circoncis et déjà établis dans l'Alliance? Nous considères-tu comme manquant de sainteté? Et penses-tu que nous sommes perdus à cause de la colère de Dieu? Nous, les chefs responsables de la nation, le baptême de Jean était une pierre d'achoppement pour les pieux. Il divisait le peuple en deux groupes. Le premier groupe rassemblait ceux qui avaient été purifiés par le baptême de repentance. Ils devaient accueillir Christ, ayant été préparés et choisis. Le second groupe rejetait les baptêmes de la repentance, se sentant prêt à accueillir Christ. Il supposait que sa venue servirait des fins politiques ou légalistes. L'évangéliste Jean a certainement assisté à cet interrogatoire officiel. Le débat a dû l'impressionner, surtout les questions des délégués, car les réponses ont permis d'apprendre qu'il n'était ni le Christ, ni Élie, ni le prophète promis. Le Baptiste n'a pas craint de se couvrir de honte en révélant qu'il n'était personne. Le Baptiste, sachant ce qu'il avait à faire, répondit avec humilité, « Vous avez raison, je ne suis pas quelqu'un d'important. Je ne baptise qu'avec de l'eau, sans magie ni pouvoir. Tout ce que je fais est symbolique, préparant le chemin de celui qui vient. » Puis, dans sa tenue de peau de chameau, le Baptiste se leva et s'exclama d'une voix forte en direction de la délégation et de la foule. Vous êtes tous aveugles. Vous ne remarquez pas l'événement historique qui se déroule au milieu de vous. Vous m'examinez, moi, qui ne suis qu'un personnage mineur. Mais regardez, le Christ vient. Il est au milieu de cette foule repentante. Moi, Jean-Baptiste, je n'ai aucun pouvoir pour accomplir quoi que ce soit. J'ai une mission à remplir. Je suis une voix. Et le Saint-Esprit m'a révélé l'arrivée du Seigneur. Il est ici, aujourd'hui. C'est le jour du salut. Repentez-vous, car le temps passe. La foule fut terriblement impressionnée par cette annonce. Elle s'était rassemblée dans le but d'accueillir Christ. Mais il était déjà arrivé et personne ne l'avait remarqué ni vu. Tous étaient perplexes et se regardaient les uns les autres dans l'étonnement. Puis, le Baptiste prononça sa célèbre description de Christ dans un témoignage encore plus explicite que celle que l'évangéliste Jean avait déjà indirectement mentionnée au verset 15. « Celui qui vient après moi était avant moi. » Il révéla ainsi l'éternité de Christ et sa présence parmi les hommes. Il indiqua qu'extérieurement Christ était un être humain normal au milieu d'eux, un inconnu, sans auréole, sans beaux vêtements, n'ayant pas des yeux flamboyants. Il était comme tous les autres. Rien ne le distinguait, mais dans sa véritable nature, il était totalement différent des autres. Un être existant depuis toute éternité, céleste et divin, se tenant au milieu d'eux en toute simplicité. Le Baptiste confessa être indigne de servir Christ. La coutume de l'époque voulait que le serviteur lave les pieds des invités qui arrivaient à la maison. Le Baptiste se considérait même indigne de délier les lacets des chaussures de Jésus afin de laver ses pieds. Ces paroles troublèrent la foule. Ils se demandèrent, « Où est cet étranger parmi nous ? Comment le Seigneur peut-il être un homme ordinaire ? Et pourquoi le Baptiste se considère-t-il indigne de délier les lacets de ses chaussures ?» Puis les délégués repartirent à Jérusalem en se moquant de Jean-Baptiste. Ils furent probablement suivis par des disciples du Baptiste. Ils pensaient que Christ apparaîtrait dans la capitale avec éclat et dans toute sa majesté, et non pas comme un inconnu, une personne simple dans le désert. Ainsi, ils ont raté l'occasion de rencontrer le Christ de Dieu. Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.